77, donc c'est la manifestation qui a été... avec Michel. Voilà, la manifestation, en fait, donc entre 76 et 77, nous, on a vraiment œuvré avec les comités locaux pour préparer cette manifestation. Et là, arrive une deuxième façon de travailler avec ces comités, c'est-à-dire que dans toute l'Europe, et surtout en Allemagne, il y avait des très gros mouvements aussi par rapport aux centrales nucléaires. Et entre autres, bon, moi j'étais allée à Kalkar, il y a les gens, ils circulaient aussi d'un lieu à un autre, hein, de future implantation de centrales. Et à ce moment-là, moi j'avais ramené une bobine qui s'appelle Brockdorf, qui est un film en fait, et qui était fait par un groupe groupe très important, un collectif qui s'appelle Medion Pedagogic Centrum, qui existe toujours, et qui travaillait un peu comme on travaillait. Et qui étaient, bon, ils étaient 10 magnétoscopes, voilà, c'était un gros centre quand même, donc ils faisaient aussi de la formation, comme on avait déjà discuté dans les séminaires, dans les séances précédentes, et aussi ils travaillaient, ils faisaient des films par rapport dans les mouvements sociaux. Donc moi j'avais ramené cette bande et je voulais la proposer aux comités locaux, quoi. Donc j'avais proposé ça aux principaux, on va dire, animateurs, dont Marie-Jo, que vous avez vu, là, que j'ai vu dimanche dernier. Et à ce moment-là, il y a une réaction qui m'a beaucoup édifiée. Ils ont dit, non, on ne peut pas passer ça, c'est trop violent. Alors, moi, je pensais faire circuler cette bobine, puis en discuter, en disant comment on se prépare à une situation qui peut être aussi violente, quoi, qui peut être aussi, pas forcément des fleurs à la bouche et tout ça, quoi, parce qu'il y avait quand même une tension, hein. En 76-77, il y avait quand même une tension après la première manifestation, tout ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rassemblements à Morestel, donc dans l'Isère, entre tous les comités, etc., pour savoir quelle était l'option de discuter de cette possibilité. Est-ce qu'on va au combat? Est-ce qu'on n'y va pas? Etc. Donc c'est la ligne non-violente qui l'a emportée. Elle a tellement emporté que du coup, tout ce qui pouvait apparaître comme... une forme d'autodéfense ou de protection par rapport aux forces de l'ordre a été écartée. Et de telle façon que c'est vrai que quand on s'est retrouvé, enfin moi je me suis retrouvée dans le cortège de Montalieu, bon, les écologistes non violents étaient dans leur cortège à eux bien au chaud. Et voilà quoi. Et moi quand j'ai vu ce qui se passait à Montalieu sur la place avec les Allemands, les Suisses et tout, je me suis dit ça va chauffer quoi, automatiquement. Sans dire que c'est eux qui allaient attaquer, ils étaient quand même protégés quoi. On entendait les bâtons, c'est vachement angoissant parce qu'on entendait les bâtons sur le macadam et tout ça, c'était les hélicos, c'était assez inquiétant, quoi. Et en fait, voilà, ben après, voilà, ce qui s'est passé, qu'il y a eu un énorme, des grenades, enfin une énorme bagarre, quoi, une énorme bataille. Enfin, les forces de l'ordre, ils avaient ordre de casser. Et après, on pourra avoir une extrait. Donc, alors. Nous, après, donc là, moi, je restais... Donc, Catherine, elle venait régulièrement faire les diffusions aussi, parce qu'elle travaillait pas loin de Lyon. Il y avait Jean-Luc aussi, qui était un veto, qui était étudiant. Et donc, après, moi, je suis restée plus longtemps sur le terrain. Donc, je me suis associée avec des gens qui ont pris le son, etc., et avec qui on a travaillé ensemble, quoi. Donc là, on peut voir un extrait. Donc, juste après, le lendemain de la manifestation... donc la manifestation de 77 où il y a eu 30 et 31 juillet 77, il y a eu une sérieuse attaque. Donc cette manifestation a été remarquablement filmée, donc vraiment d'un point de vue, je dirais, des Allemands qui avaient l'habitude des combats, hein, des combats par rapport au nucléaire, qui s'appelle Parce que j'aime la vie, à ma ville en 77. Donc là il y a deux titres. Et ce document remarquable a été donc fait par financé par l'IEG Metall allemand, donc les syndicalistes allemands, hein, la puissante centrale. Et c'est vrai que on voit vraiment par les images que ces gens, ceux qui ont filmé, sont aguerris à ce genre de situation. Et c'est vraiment très très intéressant. Bien sûr, ces images sont très prisées par les télévisions. C'est très important, il me semble, ce que tu dis sur les pratiques, cette question des pratiques non violentes, tu t'expliques bien que tu as beaucoup appris des pratiques non violentes, mais dans un des entretiens que tu as donné en 2007, tu dis bien que tu n'étais pas toujours d'accord avec eux, surtout avec une forme de naïveté, d'angélisme qui empêchait quelquefois l'analyse des faits, ce que tu viens d'expliquer finalement, comme par exemple de voir que c'était une guerre qui se préparait en 1977, et cela empêchait aussi de prendre des décisions conséquence. L'état de siège avait été décrété par le préfet de tous les, villages proches de Malville. Donc c'est vrai que je trouve que ça, c'est vraiment important de souligner, parce que ça revient sur ces contradictions aussi qu'on peut retrouver au sein du mouvement, de ce vaste mouvement de mobilisation contre le nucléaire, en tout cas. Donc on va regarder un extrait de la bande, de la deuxième bande vidéo, et cette fois, c'est vraiment le montage d'origine, contrairement à ce qu'on vient de voir avant, puisque c'est un remontage d'extrait, bien sûr. Donc, Malville 77 de Briord à Faverge, des habitants racontent. Donc, c'est des témoignages d'habitants de Faverge, c'est ce que tu disais. Hein. Donc, le village qui était situé à 3 km du site de Superphénix et qui avait déjà été en fait cerné par les forces de l'ordre en 1976 et où donc vont éclater ces fameux violents. Eux, ils étaient au front, quoi. Hein. Il y avait la centrale, le village, les forces de l'ordre et les cortèges qui arrivaient, quoi, hein, de trois côtés. Mmh. Donc eux, ils étaient vraiment aux premières loges, on peut dire. Ils étaient, ils faisaient tampon. Il y avait les forces de l'ordre, ils étaient en plein milieu, donc ils étaient dans cette voilà, il y avait des blessés, il y avait eu même un mort. Donc c'est pour ça que le lendemain, on est allé discuter avec les habitants de toutes ces maisons-là pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé et comment eux, ils comprenaient ce qui... Voilà, l'idée, c'était comment eux, ils comprenaient comment ça s'était passé, pourquoi il y a eu cette guerre. C'était un peu ça. Le passage que tu as choisi, c'est intéressant, c'est le témoignage C'est Madame Carrara, donc c'est une Italienne. Une émigrée italienne qui a accueilli des blessés. Et donc, voilà. Donc, il y a une dizaine de récits, on va dire, de personnes tout autour de cette zone qui était militarisée. Voilà. Et ça va faire le point avec ces réseaux. Ouais. On ne pourra pas voir d'extrait par ailleurs, faute de temps, malheureusement. Alors, je lance celui-ci. Oui, tu vois. Et c'est Madame Carrera. Une dame a tapé, je suis obligée à ouvrir. Oui, de ce côté. Puis les gens, ils me disent, ouvrez, madame Cara, ouvrez. Mais j'ouvre. Ma 15 heures, le mec qui rentrait, qui disait, ah, il voulait rentrer. Mais je dis, oh, les petits, viens dans la poêle. Je l'ai poussé. Même poussant l'autre, il l'a pris. C'est pour rien. Et puis il y en a donné d'autres pour maman, je ne sais pas faire, je prie l'homme, mais elle était là. 14 ans, elle était à 74 ans, elle a rempli le gars, hein, puis avant c'est trop, c'est fermé à clé, hein. C'est pire que le temps des fascistes en Italie. Alors qu'en Italie, je n'ai plus m'a laissé crever de faim pour le temps des fascistes. Mais là, ce n'était pas le temps des fascistes, on pourrait encore manger si ça avait été plus gentil. Parce que là-bas, il était à rien à peine, il ne me donnait à rien, je ne pouvais pas en manger. Oui, j'ai vu deux guerres, j'ai 74 ans, j'ai vu deux guerres. Moi, je n'ai jamais vu la saleté qu'ils ont fait là. Jamais, je le dirai, non, n'importe qui. Et ce n'est pas les manifestants, c'est les CRS qui tapaient. C'est une horreur, ça ne pouvait pas arriver. C'est honte à faire des choses comme ça. Vous ne pensiez pas que des choses comme ça pourraient se passer? Ah non, je vous le jure, je ne croyais jamais une chose comme ça, voir qu'est-ce que ma vie allait mettre qui allait monter dessus plutôt de les laisser partir. Est-ce que vous voulez? Comment vous comprenez ça par rapport à la centrale? Par rapport à quelle? Eh bien, dites-en, ça c'est la première avance. S'il arrive à quelque chose, c'est à nous. Il fait comme ses vaisseaux en Italie. Ses vaisseaux. Mais vous voyez qu'il ne trouve pas encore de s'arrêter. Il a tout rappelé, le machin pour l'arrêter, mais voilà. Et il fera ça comme ça aussi. Avant de la paix, il devait chercher de faire, d'arranger quelque chose qui s'irrite, quelque chose qui pèse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. Qui meurt, il meurt. Et qui... J'étais de l'Italienne hier, là, à la défilée. Combien des enfants qui sont nés, tous des pommes. Tous, ils sont morts parce qu'ils étaient déformés. C'était après à voir. Alors, vous voyez, qui viendra là aussi? Pas pour moi. Moi, je suis assez vieille, je peux mourir d'une minute à l'autre. Mais pour les petits, il y en a. Alors, vous savez, ça suffit.